Les sous-bassements, c'est ça? Oui, il reste les carrés de pierre. Oui. Ah ouais. Vous en avez vu des spiémontés là-dedans, non? Diable! Mais on en a encore, il y a encore des jeunes là, des jeunes qui ont quelques années de moins que moi là, qui habitent ici, là, qui sont restés ici, qui ont fait leur vie ici, quoi. Oui. Qui étaient en gosse, ils ont couché encore. Oui. Il y avait une sorte de plancher, je crois, et puis des branches. Oui, ils couchaient pas sur des lits de branches, hein, par terre. Oui. Pendant toute la saison des coupes. Ben, oui.